vie qu'on oublie. Parti. Fil. C'est juste un détail quand tu souris. C'est comme une vague impression. Oh putain, mais c'est pas...